Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Denis. Michel, en fin de semaine, vous receviez, vous avez de la belle visite, deux tournois régionaux à Chibougamau. Oui, samedi dernier, on avait une compétition en équipe de deux par classe. Okay. Dans la formule au meilleur trou des deux. Okay. Donc, on a eu 44 participants avec 8 dames. Donc, on était bien contents. Ça a été une belle journée. On a terminé ça avec un beau charcoal sur la terrasse. Les gens d'extérieur ont trouvé que notre terrain est en magnifique condition. Mm. Puis le lendemain, on avait le fieldé régional. Une quarantaine de joueurs, dont une vingtaine de l'extérieur, dans toutes les catégories pour hommes. Une autre belle journée, on était chanceux au niveau température. Il a tombé seulement un orage, une quinzaine de minutes. Puis après ça, toutes les conditions ont été bonnes. OK. As-tu les gagnants dans les deux tournois? Dans les deux tournois, dans les deux balles, on a eu beaucoup d'égalité. Pratiquement dans toutes les catégories. Par contre, au niveau du fieldé régional, en classe 2A, Yannick Lassalle de Lac-Saint-Jean, 75. Okay. Dans le A, Nelson Miamiskoum, Chibougamau, 82. Okay. Dans le BB, Jean-Guy Delbeau, 81. Ouais. Et dans le B, Dominique Kawit Delbeau, 87. OK, donc c'est quand même bien été pareil. Et dimanche, maintenant? C'est ça, dimanche. Okay. Dimanche, c'était le fieldé régional. OK, et samedi? Dans les catégories que c'était donné. OK. Et dans l'autre tournoi? Dans l'autre tournoi, dans le fond, beaucoup, beaucoup d'égalité. Pratiquement, là, deux, trois équipes ne faisaient pas par cœur ici, là. OK. Mais on a eu des bonnes conditions puis des bonnes performances. Okay. Les gens, écoute, là, il y en a même une dizaine qu'après le 18 trous, ils ont retourné voir un autre neuf trous pour bénéficier des belles qualités de terrain qu'on avait. OK. Dis-moi, donc c'est vraiment l'idéal, effectivement. Donc, c'est un succès sur toute la ligne? Oui, oui. Donc, ça va bien. Les gens sont bien de bonne humeur. OK. Puis, on poursuit en fin de semaine avec la dernière qualification de la Coupe des champions. Ouais. On devrait avoir entre 20 et 24 inscriptions. Puis à ce moment-là, ça va déterminer le quatrième gagnant pour la finale. OK. Encore une fois, ça devrait être encore les mêmes pas mal qui devraient être de retour, c'est ça? Sensiblement les mêmes joueurs qui participent, oui. OK. Ben Michel, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Ça fait le tour pour cette semaine. On se reparle la semaine prochaine, mon ami. Voilà, donc Michel Lallemand qui nous parlait du club de golf de Chibougamau.